Psaume numéro 63. Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte. Face à l'ennemi redoutable, protège ma vie. Garde-moi du complot des méchants, à l'abri de cette meute criminelle. Ils affûtent leur langue comme une épée, ils ajustent leurs flèches, paroles empoisonnées, pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent soudain sans rien craindre. Ils se forgent des formules magnifiques. Ils dissimulent avec soin leurs pièges, ils disent « Qui les verra ?» Ils machinent leurs crimes. Notre machination est parfaite. Le cœur de chacun demeure impénétrable. Mais c'est Dieu qui leur tire une flèche. Soudain, ils en ressentent la blessure. Ils sont les victimes de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme est saisi de crainte. Il proclame ce que Dieu a fait. Il comprend ses actions. Le juste trouvera dans le Seigneur joie et refuge. Et tous les hommes au cœur droit, leur louange.